Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible depuis près de 40 ans dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension au numéro de téléphone 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Toute notre équipe désire rappeler que nous sommes ouverts malgré l'incendie qui nous a secoués récemment. Les électriciens du Nord invitent toute la population à participer aux différentes activités du mois de l'arbre et de la forêt. Marie Besson de Dolboom-Cessny a très, très bien fait à Calgary. Elle a remporté deux médailles. Elle était, on dit dans le journal Le Quotidien ce matin qu'elle était dans une catégorie vraiment plus forte que d'habitude. Quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Marie! Allô? Marie, oui, tu me disais que dans le journal ce matin, on mentionnait, c'est Roger Tremblay qui disait ça, que vous étiez dans une catégorie surclassée. Ouais, ben, c'est la première fois à faire la compétition en catégorie 3 moins 52 kilos, parce que d'habitude, je me battais à moins 48. Puis en plus, je me suis battue avec les seniors qui ont plus de 21 ans. Alors, okay. Est-ce que la relève est bonne? Parce que tu t'es battue quand même 2 ans avec des gens beaucoup plus âgés que toi, dans une catégorie plus forte normalement. Est-ce que la relève au Canada est quand même forte pour le judo? Parce que me semble que... Je pense que oui, parce que on dirait que les mondes plus jeunes commencent à battre le monde plus vieux. Ça fait longtemps qu'ils font une compétition, puis avant, c'est eux qui gagnaient, mais là, on est quelques-uns qui commencent à les battre, puis commencent toujours. OK. Ouais. Est-ce que 2 ans, ça paraît vraiment, là, toi, t'as 19, d'autres ont 21, 22, beaucoup plus âgés dans certaines circonstances. La force doit paraître, même si t'as gagné? Ouais, ben c'est sûr que si t'es 2 ans plus vieux, ben t'as 2 ans de plus d'années de training, alors c'est sûr que ça donne un avantage. OK. Parle-moi de ces deux victoires-là à Calgary. Comment ça s'est passé? Ben, la première journée, c'était junior. OK. Moi, j'avais 21 ans, puis c'était ma première année en junior. Ça a quand même été des combats faciles. Puis ça a bien été, fait que j'ai fini première. Puis la deuxième journée, senior, j'ai quand même stressé, mais tu sais, genre, je savais que j'étais supposée de gagner la catégorie. Puis j'étais la personne là qui pouvait vraiment me battre. Donc j'ai juste fait ce que j'avais à faire, puis... OK. La confiance, étais-tu au rendez-vous avant même ces combats-là? Parce que sinon, plus le combat avançait, plus la confiance augmentait? J'ai quand même un combat assez rapide. J'ai quand même gagné assez vite. OK. Dis-moi maintenant, donc, c'est quoi la suite des choses après Calgary? Ben là, je fais un camp d'entraînement à Calgary, puis mercredi, on part en Espagne faire une Coupe d'Europe junior. OK. Fait que, donc c'est en Espagne, c'est ça? Ouais. OK. Parle-moi maintenant parle-moi aussi du Brésil. Tu es allé dernièrement au Brésil, et ça, tu me disais que ça a été quand même une très, très belle expérience. Ouais, ben c'est plus. C'est une compétition, mais c'est plus un peu pour la promotion du judo au Brésil à cause que c'est les Jeux olympiques qui s'en viennent. Ben oui, c'est sûr. C'était plus un trip genre médiatique. Puis, OK. Tu me disais sur les médias sociaux qu'au Brésil, c'est très, très populaire le judo? Ouais, c'est vraiment populaire. On est allé faire la compétition, on était dans un stade, c'était rempli de monde. Ah oui? Puis il y avait comme, ouais, tout le monde m'encourageait, tout le monde aimait ça, puis on était comme des stars là-bas, le monde voulait un photographe, puis tout. OK. Alors, okay. Ouais, c'est spécial. Donc, il y avait quoi, 5-6 000 personnes à tes compétitions? Pas 5-6 000, là, mais je sais pas comment, là, mais c'était plein, là. OK. Et ça a donné beaucoup de... j'imagine que ça t'a donné beaucoup d'expérience aussi. C'était-tu la première fois que tu compétitionnais dans des gradins remplis à pleine capacité? Ouais, c'est la première fois. OK. Parce qu'au Canada puis en Europe, c'est pas vraiment... OK. Puis est-ce que ça change la préparation? Est-ce qu'on est plus nerveux ou on rentre dans son combat puis par la suite, il y en a pas de différence? Bon, ça va pas vraiment de différence, je pense. OK. Hey, Marie, parle-moi de... Parce qu'il y a un de tes commanditaires qui m'a montré que tu lui as donné un costume de judo. C'est très pesant, ça? Ouais. OK. Ça prend-tu bien du temps à être s'habituer? Ben, ça, c'est un jeudi normal. Okay. Mais pour quand je fais des compétitions, j'ai des costumes, ben, ils sont plus chers, mais ils sont plus légers, ils sont, pour faire les compétitions. OK. Ça, c'est plus entraînement, c'est ça que je dirais? C'est ça? Ouais, j'ai moins qualité un peu. OK, ouais. OK. Mais ça m'a marqué. Je me suis dit, ben voyons donc comment ils font pour compétitionner avec des costumes aussi pesants. Donc, ouais, ben c'est quand même lourd, là, mais ça. On s'y fait mal là-dedans, là, mais c'est correct parce qu'il faut quand même. OK. C'est pour. Okay. Faire du lourd. Ben Marie, prochaine compétition, c'est? En Espagne. Le? Cette semaine. Samedi prochain. Donc, on va te suivre de près. Ben Marie Besson, un gros merci pour sa part. Merci. Marie Besson qui a remporté 2 médailles d'or au championnat canadien de judo à Calgary.